Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 15, nous commençons au verset 11. Nous allons jusqu'au verset 24. Et nous saluons le frère et sœur qui nous suit en ligne et ceux qui vont nous suivre dans le nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père elle partagea son bien. Na baba akagawanya mamari yabo. Peu de jours après, chiku kidogo kisha, le plus jeune fils ayant tout ramassé, kiana ule yikisha kubeba yote, parti pour un pays éloigné, akaenda mumuji ya mbali, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mule akapoteza mari yake yote mkuishi muzinifu. Lorsqu'il tout dépensé, wakati akaisha kumaliza yote, une grande famine suivait dans ce pays, njala mkubwa ikakuya ndani ya ile inchi, et il commença à se trouver dans les besoins. Na akaanza kujikuta muhitaji. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, akaenda kutumikia mkaaji mwa inchi, qu'il envoyait dans ses champs garder les porceaux. Ule akamutuma mumashamba yake kuchunga bangulube. Il aurait bien voulu se rassasier des caranges que mangent les porceaux. Mais personne ne lui a donné. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut mis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Mulete mbio ile nkanzu ya mzuri kabisa. Et la revete. Na mumuvike yo. Mettez-lui un anneau au doigt. Mumuvike mpete ku kilole. Et des souliers aux pieds. Na bilato ku mikulu. Amenez le veau graisse. Mulete ule ngombe wa mnofu. Et tue-le. Na mumuue. Mangeons et réjouissons-nous. Tumukule na tufuraini. Car mon fils que voici était mort. Sababu mwana wangu mnaona alikuwa mwenye kufa. Et il est revenu à la vie. Lakini anarudia kubujima. Il était perdu. Alikuwa mwenye kupotea. Et il est retrouvé. Na anapatwa. Et il commença à se réjouir. Na bakaanza kufuraiwa. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Bien-aimés frères et sœurs. Mapendwa ndugu na dada. Je vous salue encore ce matin dans le nom précis de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Lyoko Bongonda Josué. Je viens du Congo central, central. Précisément dans l'assemblée locale de Sioni. Kabisa kabisa mu makutano ya pahali pa Sioni. Et je remercie le Saint Jésus-Christ. Na ninapikia asante Bwana Yesu Kristo. Pour tous les bienfaits qu'il essaie de faire pour moi. Juu ya mema yote ili ashiache kunifanyia. Je remercie aussi le pasteur. Ninapikia tena asante pastori. Que Dieu bénisse notre pasteur. Mungu abariki pastori wetu. Pour son amour et son hospitalité. Juu ya mapendo yake na kupokelea kwake kwa wageni. Et si c'est la volonté de Dieu. Na ikiwa mapenzi ya Bwana. C'est aujourd'hui que je vais terminer ma prédication. Ni leo ndio mitaisha mahubiri yangu. Alors je vous remercie tous, vous tous. Tous les frères et sœurs qui étaient présents pour écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas de grandes choses à vous apporter ce matin. Je suis moi-même édifié par l'exhortation que nous venons d'écouter à travers la bouche de son serviteur. Et c'est ça la bonne position que nous devons prendre. Nous avons besoin de tels hommes qui nous montrent le bon chemin et nous devons suivre et nous devons l'aimer et le soutenir même par nos prières. Le temps est très fort avancé. La vie du Seigneur est proche. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons corriger toutes les erreurs que nous avons commises dans l'état passé. Mais bien mes frères et sœurs, dans l'écriture que nous venons de lire, c'est une parabole que Jésus-Christ avait donnée pour ce qui concerne le fils prodigue, la foi prodigue que nous connaissons nous tous. Mais dans cette parabole, Jésus voulait nous montrer quelque chose. Et le fils prodigue, ce n'est pas un enfant du diable, mais le fils prodigue, c'est un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ou un fils de Dieu, qui a quitté la parole de Dieu, et il est allé vivre ailleurs, qui s'est éloigné de la parole de Dieu. Alors ce matin, notre sujet que nous allons partager dans quelques minutes, nous l'avons intitulé que Jésus a les bras ouverts. Jésus a les bras ouverts. Ça veut dire que Jésus est disposé pour nous recevoir. Il est disposé pour nous accueillir. Et il nous souhaite les bienvenus. Jésus est disposé ce matin pour recevoir chaque âme qui veut venir vers lui. Il est disposé pour accueillir chaque âme qui se repent. Alors bien aimés frères, le fils prodigue, c'est un enfant de Dieu qui s'est éloigné de la parole de Dieu. Ule arijendesha mbari na neno la Mungu. Qui s'est éloigné de Dieu? Ule arijendesha mbari na Mungu. Il est allé loin de Dieu. Alienda mbari zaidi na Mungu. Et lorsque vous quittez la parole de Dieu, vous allez toujours mener une mauvaise vie. Utaanza paka kuishi maisha mubaya. Même si tu es né de Dieu, mais si tu veux vivre la vie de Dieu, tu dois demeurer dans la parole, tu dois rester dans la parole et mener la vie de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie de Dieu. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, si nous voulons garder notre identité comme des fils et des filles de Dieu, nous sommes obligés de rester dans la parole et d'obéir à la parole. Et regardez ici, Jésus-Christ, en donnant cette parabole, il dit un père avait des fils et le plus jeune fils, il a demandé à son père de lui donner une partie de l'héritage. Et lorsqu'il a eu cet héritage, au lieu de rester là où se trouvait son père, il a pris la décision de s'éloigner, de quitter son père et d'aller vivre ailleurs. Et il n'était pas là en main vide. Il avait des biens considérables. Mais dans le pays où il est allé, il commença à vivre dans la vie du péché, dans la débauche. Il avait tout dépensé, tout gaspillé. Il a gaspillé ses biens, il a gaspillé son temps, il a gaspillé son énergie en vivant vivant dans le péché. Mukuishi muzambi. Et tout ce qu'il avait comme l'héritage. Na yote alikuwa nayo kama urithi. Était gaspillé. Ilizambalala ilimalizika. Il se trouvait dans les difficultés. Na akajikuta mumabunu. Il n'avait rien. Ashukwena kitu tena. À quoi subvenir à ses besoins. Chia kuweza kusaidia mahitaji yake. Il se trouvait dans la misère. Na akajikuta mumateso. Et c'est dans ce moment. Na ni mwile wakati. Qu'il allait se mettre au service d'un habitant du pays. Jo sasa akaenda kutumikia mkaji wa inchi. Dans le champ. Na bakamutuma mumashamba. Pour garder le pourceau. Jia kuchunga bangulube. Dans la porcherie. Mule mufazi ya bangulube. On lui donne le travail dans la porcherie. Et la porcherie traduit toujours la vie du péché, la vie de suie, la vie de pourriture. Et c'est dans la porcherie du monde qui travaillait. Et le patron là qui lui avait embauché, qui lui donna le travail dans la porcherie, c'est le diable. Bien-aimés frères et sœurs, si vous ne voulez pas servir Dieu, vous allez servir le diable, et le diable va toujours vous donner un mauvais travail qui va ruiner à votre âme, qui va me détruire votre santé, votre santé spirituelle, votre santé chrétienne. Vous allez perdre votre vie parce que c'est le diable, c'est la mort. Mais à Dieu, il y a la vie. Mais vous ne pouvez pas quitter la parole de Dieu et avoir la vie de Dieu. Vous voyez, frère, nous savons que la vie est la mort. La vie, c'est Dieu et la mort, c'est le monde. Et dans le monde, celui qui dirige le monde, c'est le diable. Alors, bien aimés frères et sœurs, toi qui es un enfant de Dieu, faites attention. N'essayez pas de quitter la parole de Dieu pour aller servir le monde. Tu auras la mort. Le diable va te donner la mort. Et regardez ce fils. Pendant qu'il était dans pendant qu'il traversait le moment difficile, à cause de la mauvaise décision qu'il avait prise, parce que c'est lui-même qui avait décidé de quitter son père. Et cela veut dire que toi, l'enfant de Dieu, tu ne dois pas quitter la parole de Dieu, tu ne dois pas quitter Dieu pour aller vivre ailleurs. Un enfant de Dieu n'est pas indépendant. Mais la foi de Dieu n'est pas de la parole de Dieu. Nous devons être contrôler, diriger, gouverner par la parole de Dieu. Ne laissez jamais la parole de Dieu pour aller satisfaire les désirs charnels. Si vous avez les mauvaises ambitions, c'est pour ça la Bible dit, il faut avoir toujours un esprit de discernement. Examinez toutes choses par la parole de Dieu. Ne faites rien qui est contre la parole de Dieu, mon frère. Alors Jésus-Christ nous a montré que lorsque cet enfant est allé vivre dans le péché, et un jour il se retrouvait dans les difficultés. Mais la Bible dit, étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici qui est son fils, je meurs de faim. Oui, si vous quittez la parole de Dieu, tu auras toujours la faim et la soif de la vraie parole. Oui, bien-aimés frères, et le fils est prodigue, c'est un enfant de Dieu qui vit dans les dénominations là où il n'y a pas la bonne parole. Le fils est prodigue, c'est un enfant de Dieu, même si tu vis à l'église, mais tu vis en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux dire que frère Josué, moi, chaque jour, je viens à l'église. Oui, là, ce n'est pas un problème. Mais ce que Dieu fait, Dieu veut te voir être plongé dans la parole. Dieu veut te voir. Dieu veut voir l'obéissance totale de sa parole dans ton cœur. Il ne suffit seulement de venir écouter la parole de Dieu. Quand la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui l'écoutent et les mettent en pratique. Et frère Bala me disait toujours, ne vous prétendez pas dire, je crois le message, je crois le message, mais croyez le message, ça veut dire, vivre le message. Vivre le message. Et conformez-vous au message. Dieu veut voir la vie du message à nous. Et le message n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est ça la parole pure. Alléluia. Amen. Alors regardez. Sasa, si un enfant de Dieu quitte la parole, anatoka muneno. Il ne continuera pas toujours à vivre dans la vie du péché. Un enfant de Dieu peut commettre le péché. Il peut tomber dans le péché. Il peut commettre les erreurs. Mais il finira toujours à revenir à lui-même, à reconnaître ses forfaits et à se repentir. Vous voyez, et Jésus-Christ nous a montré ici, il dit, étant rentré à lui-même, il s'est ressaisi, il a examiné sa vie, mais il a compris que non, la vie que je suis en train de mener, ça ce n'est pas la vie de Dieu, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. J'avais commis une erreur en demandant à mon père de me donner l'héritage. J'avais commis une erreur en fuyant mon père. Et regardez tout ce qui m'est arrivé. C'est moi qui est à la source. C'est moi qui est l'auteur de toutes ces difficultés. Alors je dois retourner vers mon père. Alléluia. Amen. Et il dit à lui-même que je me réveillerai et j'irai vers mon père. Mais comme j'ai commis ces grandes erreurs, je vais lui dire, parce que je reconnais maintenant mes fautes, je sais que j'ai commis une erreur, j'ai tombé dans les péchés. Mais je lui dirai que mon père, réellement, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors je ne mérite même pas à être appelé ton fils. Je ne veux pas être dans ces rangs-là de tes fils, mais je veux devenir comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs. C'est ça la repentance, frère. Et la repentance, c'est le regret qu'on a de ses péchés. Si vous avez commis un péché, si tu es un enfant de Dieu, tu dois regretter. Un enfant de Dieu ne se réjouit pas, ne se réjouit pas lorsqu'il vit dans le péché. C'est pour cela que vous verrez qu'un enfant de Dieu, si comme un péché, il regrette. Il se sent mal à l'aise. Il n'est même pas à l'aise. Oui, frère. Mwana ya Nzambe. Mtoto wa Mungu. Akoko sala mabe. Ye anaweza kufanya vibaya. Mais azala kana kimya te. Lakini ashikalake na salama. Azala kana kimya te. Ashikalake na salama pana. Mema pesa ba kosala lisumu. Hata kama anatenda dhambi anaishi ndugu. Sasa anashikia mguu. Azoe regrette. Anaanza ku regrette. Siko loko nini na zui. Sasa ni libitu. Pourquoi na sali boy? Juu ya nini mimi nafanya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Parce que en lui, il a la semence de Dieu. Niko mbeko ya Mungu. Il a la nature de Dieu. Niko hali ya Mungu. Il n'a pas été créé. Il a kuumbiwe. Pour mener une vie de suie. Juu ya kuishi maisha ya uchafu. Pour mener la vie du péché. Juu ya kuishi maisha ya dhambi. Et c'est ce qui provoque la repentance. Na joy ile iko naleta. C'est lorsque quelqu'un reconnaît. Ni wakati mtu anatambua. Il est qu'il était dans l'erreur. En ce moment, il va se repentir et revenir à Dieu. Il a pris un chemin qui nous éloigne de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous rapproche de Dieu. C'est le chemin de la repentance. Alors ce matin, la Bible nous dit que Jésus-Christ se tient ici avec les bras ouverts. Il est disposé pour recevoir ses fils et ses filles qui s'est éloigné de lui. Si tu es tombé dans le péché, si tu es tombé dans le mal, et que tu reconnais que tu es la foi de Dieu, n'ayez pas honte. Prends la décision de retourner vers Dieu à la voie de la repentance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 28, verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, l'état est très fort avancé. L'avenir du Seigneur est proche. Dieu appelle tous ses enfants de revenir vers lui. Revenez par la voie de la repentance. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si vous cachez vos péchés, vous n'allez pas réussir. Oui, frère, tu ne vas pas prospérer dans ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. C'est la vie de Christ. Ce n'est pas ma mini-prédication. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Que toi-même, tu dois expérimenter. Que en toi, il y a l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu dans ton cœur. Et chaque fois, si tu commets un péché, tu te répands rapidement. On ne doit pas te forcer. Et nous ne voulons pas de repentance forcée. Les repentances de formalité. Mais il faut qu'il y ait un cœur brisé. Un cœur touché. Qui se dit à lui-même, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut reconnaître ton péché, confesser ton péché, et c'est en ce moment que tu auras la miséricorde. Miséricorde de Nzambe koya likolo na yo. Alors, bien aimé frère, Jésus-Christ dit, quand l'enfant a pris la décision de revenir vers son père, alors il a quitté l'endroit où se trouvait la vie du péché et il était sur le chemin du retour. Et pendant qu'il était en mi-chemin, son père le vit. Et la Bible dit, il fut émis de compassion. Lorsque son père l'a vit, son père n'était pas enflammé de la colère. Parce que le fils qui s'est enfoui, il était parti avec beaucoup de biens. Et le voilà revenu nerveux. Le père ne s'était pas fâché. Mais la Bible dit, il fut émis de compassion. Pitié de son fils. Et la Bible dit que son père a couru. En allant vers les racontes de son fils, il embrassa et le baisa. Alléluia. Amen. Pour lui souhaiter bienvenue. Et ce matin, Jésus-Christ, c'est lui notre Père. Et nous, le Fils du prodigue, si nous nous décidons de revenir vers lui, il va toujours nous accueillir à bras ouverts et nous donner un baiser de bienvenue. Alors, Le fils n'était pas même arrêté. Il a dit. Parce qu'il y a des choses, frère, dans la vie chrétienne. Si tu es tombé dans le péché, lorsque tu vas réparer le mal que tu as commis, il y a la repentance et la confession. La repentance, c'est, ça se fait dans le cœur. C'est les régler qu'on a de ses péchés. Et la confession, c'est déclarer le mal que tu as fait. Et le fils prodigue, après avoir se repenti, il a aussi confessé publiquement devant son père. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il a déclaré. Alors son père, le souci, ce qui préoccupait son père, c'était que son fils, qui était perdu déjà, il cherchait, parce qu'il avait perdu son fils, il le cherchait, il ne le voyait pas. Mais lorsqu'il a vu son fils y retourner, son père était dans la joie. Alléluia. Amen. Et malgré la confession de son fils, son père a ordonné à ses serviteurs, il dit vite, prenez la plus belle robe et la revêtez. Vous voyez, frère, pourquoi? Lorsqu'il était parti, il avait tout perdu. La vie de Dieu. Alors, comme il est retourné, comme le diable lui avait dépouillé. Parce que Moussala Satan est allé, mes frères. Est allé kolongola, oyo nzambe atiaka tina ye. Kazi ya Mungu ni kutosha bile biote gabarweka ndani yake. Dieu t'a habillé de la sainteté. Mungu alikufika utakaso. Mais tango tiki parole de Dieu. Wakati unacha neno la Mungu. Le diable va te déshabiller. Shetani atakuya atakuvula. Il va te déshabiller de la vie de Dieu. Atakutosha biote bia maisha ya Mungu. Alors komi na ile komo kote. Au takwa tena na kitu atakimbo. Mais lorsque tu retournes à la parole de Dieu. Lakini wakati unarudia ku neno la Mungu. Avait perdu dans le monde, notre Père va te restituer. Alléluia. Amina. Et lorsqu'il est rentré, son père a ordonné de lui revêtir de la plus belle robe. Et la plus belle robe, c'est le Saint-Esprit. On lui a revêtu du Saint-Esprit. Revêtez-lui de la plus belle robe. Le fêlé. Les œuvres justes des saints. Il avait perdu la vie de la sainteté. Il était devenu un péché. Mais lorsqu'il est retourné, après avoir se repenti et confessé ses péchés, balati sa qui est robe à Kitoko. Et Bazaki a non. Batia qui est dans le boko. Signe à mariage. Bazwa qui souliait. Parce qu'il avait perdu les ailes de l'évangile. C'est pour cela, mon frère bien-aimé. Toi, mon frère. Toi, ma sœur. Ne résistez pas. Prends la décision. Et revenez. Vers notre Dieu. Et vers notre Père. Alors. Il a encore ordonné. Parce qu'il savait que son fils a beaucoup souffert dans les morts. Il a ordonné à ses serviteurs de tuer les veaux graisses. Et il dit, tuons les veaux graisses, mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Amen. Mangeons. Tukule, amenez les veaux graisses. Et tuez-les. Mangeons. Tumukule, et réjouissons-nous. Quand mon fils, que voici, était mort arikufa, dans le péché, mzambi, était mort dans le monde, arikufa, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et il commença à se réjouir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le fils est prodigue. Il n'avait pas dit que si j'ai retourné auprès de mon père, non, il n'avait pas à se poser des questions. Il connaissait son père. Il savait que son père, c'est un père plein d'amour, plein de miséricorde et de compassion. Et lorsqu'il est revenu, papa vous a tout n'a qui était. Papa de la kina sengo. Et moi la raison. C'est pour cela mon frère, ma soeur. N'attends Oyo. Ne te pose pas la question. Frère Josué. Est-ce que Dieu va m'accepter? Avec tout ce que j'ai fait. Avec tout ce que j'ai commis. Comme des péchés. Et les crimes. Est-ce qu'il va me recevoir? Oui, il va te recevoir. Si tu es disposé à te repentir et à reconnaître tes erreurs et confesser tes péchés, je vous assure que Jésus-Christ, il se tient ici avec les bras ouverts, il est disposé pour t'accueillir. Il est ton Dieu et nous sommes en contact de la grâce. C'est dans cet temps ici que nous devons profiter parce que Jésus-Christ pardonne nos péchés. Il est même le souverain sacrificateur de notre confession. Oui, frère bien-aimé. Revenez. Si tu es tombé dans les mains, c'est pour cela que Dieu, frère Branham, dit dans la prédication, communion par la rédemption. La communion par la rédemption. Avant de lire même la communion par la rédemption, lisons rapidement Ésaïe chapitre 1er. Verset 18. La Bible dit, venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rougis comme la poupre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Vous voyez ici, notre pays, ce n'est pas un pays stérile, mais c'est un pays qui est plein de production. Plein de bénédictions. Et notre pays, c'est la parole de Dieu. Notre pays, c'est le message. Si vous revenez dans la parole de Dieu, vous allez bénéficier de toutes sortes de bénédictions rédemptrices. Tout ce que Jésus-Christ a acquis par son sang appartient à l'Église, appartient aux croyants. Et nous sommes les bénéficiaires. Alléluia. Amina. Alors bien aimé frère. Frère Branham dit, la prédication communion par la rédemption, paragraphe 60. Eh bien, nous sommes rougis. Nous sommes rougis. Par nos mauvaises actions. C'est-à-dire que nos péchés. Nous sommes rougis par nos mauvaises actions. Par nos péchés. Et si vos péchés sont comme les cramoisis, rouges, c'est un signe de la mort, danger de mort, danger à l'oufou. À travers les 100 versets du Seigneur Jésus, lorsque Dieu regarde, à travers cela, le rouge, à travers le rouge, paraît blanc. Ça veut dire quoi? Nos péchés sont rouges, et le sang de Jésus-Christ sont rouges. Et le sang de Jésus-Christ a l'efficace. C'est plus que même un détergent. Et si vous confessez vos péchés, et Dieu prend vos péchés, il le jette dans le sang de Jésus-Christ, et tu deviens purifié. Tu deviens blanc comme la neige. Donc, Dieu ne peut pas même voir ton péché. Parce que ton péché est plongé dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ mourra plus blanc. Pas à travers de quelque chose d'autre que vous avez, mais à travers le sang. Le sang est lié où il peut communier. C'est sous le sang de Jésus-Christ. Le sang innocent. En dehors de cela, votre propre justice, il ne le verra jamais. Vos bonnes œuvres, il ne les reconnaîtra jamais. À moins que vous venez sous le sang. Mais lorsque vous venez sous le sang, vous devez reconnaître Tu dois confesser sincèrement ton péché. Ce qui bloque la vie des croyants aujourd'hui, beaucoup de croyants ne sont pas sincères. Vous devez dire la vérité à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai tombé dans le péché. J'ai fait l'avortement. Je me suis livré dans une mauvaise vie. Dans la vie de masturbation. Dans la vie d'impudicité. Dans la vie d'impureté. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Délivre-moi de cette vie du péché. Et Dieu vous viendra toujours en aide. Vous savez, frère, Frère Bana nous raconte son histoire. Un jour, il était dans la chasse. Et il était égaré dans la forêt. Mais il ne voulait pas accepter qu'il ait perdu. Il se disait dans lui-même, ah, moi je suis un homme de bois. Je ne peux pas me perdre dans les bois. J'ai de l'expérience. Mais pendant qu'il s'efforçait pour retrouver le chemin, il faisait que tournoyer. Mais quelque chose a parlé à son cœur. Lui-même, il a réfléchi. Il dit que réellement je suis perdu. Et il s'est agenoué. Il a élevé les mains. Il a fini coup de prière. Seigneur Dieu. Je suis perdu et j'ai besoin de toi. Et c'est à ce moment que le Seigneur veut à son secours. Il dit que je me suis levé, je voulais aller tout droit, il m'a touché. Et lorsque je me suis retourné, j'ai fait seulement quelques pas et j'ai retrouvé le chemin. Frère bien-aimé, il faut reconnaître Alléluia. Amen. Frère Banam, il dit ici, en dehors de cela, vos propres justices ne les verront jamais. Vos bonnes œuvres, ils ne les reconnaîtront jamais. À moins que vous venez sous le sang. Alors, il vous voit comme son propre fils bien-aimé. Ou sa fille bien-aimée. Le rouge vit à travers rouge. Paraît blanc. Peu importe ce que vous avez fait. Ami pécheur, quand Dieu regarde, quand il voit que vous confessez vos péchés, reconnaissant avoir été dans l'erreur, c'est ça la chose capitale. Si Dieu vous voit, confessant vos péchés, reconnaissant avoir été dans l'erreur. Quand Dieu regarde à travers le sang de Jésus-Christ, il vous voit blanc comme la neige. Peu importe ce que vous avez fait, il vous regarde à travers le sang de Christ, vous êtes un racheté. Une chose précieuse, Dieu ne vous condamnera jamais. Dieu ne vous condamnera jamais plus. Il ne peut vous condamner. Bien aimé frère, Dieu n'enverra jamais quelqu'un en enfer parce qu'il est pécheur. Mais Dieu vous enverra en enfer parce que vous ne voulez pas confesser ton péché et accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur personnel. Et là, nous lisons encore la prédication du prophète. La puissance de Satan prêché le 18. Il est rubiri ou le 18? Prêché le 18 mai. Il est rubiri ou le 18 mai? 1955. Non. Prêché le 10 mai. Rubiri le 10 mai. 1955, paragraphe 18. 55, paragraphe qui a commis la mnane. Bien sûr. Kweri, hakika. Je vais sauter. Mita lukako. Bien. Ça, nous n'avons pas encore la plénitude. C'est vrai. Mais nous avons les gages de notre salut. Mais nous n'avons pas échappé à la pire de la tentation. Nous ne sommes pas au-dessus du péché. Mais Jésus. Lakini Yesu. Nous viendra en aide. Atakuwa kutusaidia wakati yote. Dans chaque tentation. Mukila ujaribu. Eh bien. Lorsque je commets une faute. Wakati minatenda nkosa fulani. Je suis prêt à me repentir. Niko tayari ya kutubu. Lorsque je commets une faute. Wakati minatenda je suis prêt à me repentir. Niko tayari ya kutubu. N'importe qui d'autre l'est aussi. Na mungine mwote eko tayari. Celui qui désire. Lakini ule yeye anataka. Vivre correctement avec Dieu. Kuishi mzuri pamoja na Mungu. S'il commet une faute. Kama natenda mkikosa. Il doit se repentir rapidement. Anapasha kutubu mbio mbio. Rapidement. Parce qu'il veut vivre correctement avec Dieu. Kwa sababu anapenda kuishi mu. Vous n'avez pas le désir de faire le mal. Amuna na nia ya kufanya vibaya. Un enfant de Dieu ne planifie pas le péché. Mtoto wa Mungu yeye ashtayarisha. Il ne fait pas le programme. Yeye ashfanyage matengenezo. Lorsque je vais sortir à l'église. À partir de 16h, 17h, attendez-moi. Je vais passer dans cette buvette là. Et je vais te faire un SMS. Na mita kufanyisha SMS. À ce moment, venez me retrouver là-bas. Non, ça c'est un péché planifié. Mais le péché pour un enfant de Dieu, c'est comme un accident. C'est comme quelqu'un qui mange et il tombe. Mais s'il tombe, il ne doit pas rester par terre. Il doit se relever. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que l'on tombe tu sans se relever? Si tu es tombé mon frère, si tu es tombé ma soeur dans le péché, relève-toi. Viens à Jésus-Christ. Repens-toi. Parce que la grâce est encore là. La grâce va terminer, mon frère. D'ici là, l'enlèvement aura lieu. Et la grâce va quitter les nations. La grâce va retourner en Israël. Mais ce matin, nous sommes encore au temps de la grâce. Et la Bible nous dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Oui, frère. Frère Branham me conduit. Ndugu Branham me wanasema hivi. Vous n'avez pas le désir de faire le mal. Ya kufanya bibaya. Mais comme une expiation. Vous n'avez pas le désir de faire le mal. Mais lorsque Satan vous embrouille quelque part. Lakini wakati shetani anamivurusha. Mais comme une expiation. Inakwaza qui m'attend. Si je confesse mes torts. Kama mimi nakiri makosa yangu. Comme une expiation. Sawa ondoleo moyo ya. Qui m'attend. Ile kuninichunga, iko ningoja. Si je confesse mes torts, kama mina kiri mankosa si je confesse mes fautes, kama mina kosa, mina si kiri je confesse mes péchés, kama mina kiri manzambi Dieu yangu. Est juste Mungu kwa mwenye haki. Pour me les pardonner. Via kunisame ayo. Alléluia. Amina. Bien mes frères, mapendo ndugu, je sais que minajua, vous pouvez avoir commis des fautes. Ya kwamba uliweza kutenda makosa. Mais ce matin, lakini asubuhi, le Saint-Esprit vous dit, Roho Mtakatifu anakuelezea, Dieu vous aime toujours. Mungu anakupenda paka. Il se tient ici avec les bras ouverts. Il veut que vous veniez à lui. Ne restez pas dans la vie de celui. Venez à Jésus-Christ. Reconnais ton péché. Confessez tes péchés. Et Jésus-Christ vous pardonnera. Il est disposé à vous recevoir ce matin. Et la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 12, lisons rapidement, parce que l'heure avance. Et vous devez retenir quelque chose, mes frères et sœurs. La venue du Seigneur est proche. Nous devons nous préparer. Parce que Jésus-Christ, il nous a promis qu'il est allé nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre afin que là où il est et nous soyons aussi avec lui et nous sommes arrivés vraiment à la fin du temps de la grâce. Nous devons nous dépêcher. Et chacun doit s'examiner. Na kila mmoja wetu apate kujichunguza. La Bible dit. Biblia inasema hivi. Verset 12. Jérémie chapitre 3 verset 12. Jérémie 3:12. Va crier ces paroles. Wende ilalamika imaneno. Vers le septentrion écrit et dit. Ako mkaskazini na usiku. Revenez. Murudieni. Fidèle Israël. Baaminifu ya Israeli. Dit l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Je ne jeterai pas sur vous. Un regard sévère. Quand je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Alléluia. Dieu nous appelle. Nous qui sommes ses enfants, il envoie sa parole, il envoie ses serviteurs pour crier, pour nous prêcher et pour nous dire, revenez, enfants infidèles, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas vous traiter selon vos fautes et selon vos péchés, mais revenez à moi. Prenez vos péchés, confessez vos péchés, mettez vos vies en ordre, et moi je vous accueillerai. Si tu as un problème avec un frère ou une soeur, mon frère, arrangez ce problème, mettez ta vie en ordre. Le Seigneur revient bientôt. Il est plus tard que nous ne le pensons, frère. Chaque jour, les hommes disparaissent. Oui, frère bien-aimé, tu ne sais pas. C'est peut-être aujourd'hui la dernière prédication. C'est pour cela que la Bible nous exhorte. Si vous entendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. Mettez ta vie en ordre, ma soeur. Tu te livres dans les désirs du monde. Tu te livres dans la vie de suivi. Mais Jésus-Christ t'aime. Il t'aime encore. Il t'appelle. Il t'appelle parce qu'il est ton sauveur. Il veut te sauver. Il veut te faire sortir de la bouffe du péché. Venez à lui. Reconnais ton péché et mets ta vie en ordre. Aujourd'hui, frère, les gens viennent à l'église que pour la forme. Oui, frère, les gens sont méchants. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils continuent à vivre dans le péché. Mais frères et sœurs, beaucoup de gens seront surpris. Seront surpris au jour de l'enlèvement. Beaucoup vont rester ici. Mais Dieu ne manque jamais de témoins quelque part. Si toi tu es en train de jouer avec ce message, le message que nous vous prêchons est sorti de Dieu. Et ce message nous ramène à Dieu. Parce que la Bible dit, comme la neige et la pluie descend du ciel, Dieu envoie la pluie avec une mission de féconder la terre. Et de donner la sémence, de donner la sémence au semeur. De la même manière, lorsque Dieu envoie sa parole, il l'envoie avec un but bien précis. Et la parole ne retourne pas vite. Comme Dieu avait envoyé ce message pour préparer l'épouse, le message présentera Jésus-Christ, le puits d'épouse et parole. Oui, frère, le message ne retournera jamais à vide. Si toi tu es en train de tu blagues avec ce message, mais je te rassure qu'il y aura des frères et sœurs ici qui seront enlevés, mais toi tu vas rester. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas, si, ce n'est pas aussi notre souhait. Mais ce que nous voulons, que tous puissent parvenir à l'unité de la foi, à la vie de Christ. Et si tu as quelque chose qui pourrait t'empêcher, ne viens pas participer à l'enlèvement. Mettez cette chose en ordre. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît, frère. Que Dieu ne parle pas en vain. Il y a des rétrogrades ici. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont encore dans les dénominations, dans les églises du monde. Mais Dieu vous appelle. Revenez à lui. Continuons la lecture. Je ne jeterai pas si vous un regard sévère. Quand je suis miséricordieux, c'est un Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, Léo, Il nous appelle par la voix, par une voix douce. Et je ne garde pas ma colère toujours. Il n'est pas rancunier. Si vous êtes vraiment, si vous êtes décidé de vous repentir, à vous condamner. Notre n'est pas rancunier. Mungu wetu ashikale na fitina. Il est compatissant. Yeko wa rehema. Il est miséricordieux. Na yeko wa rehema. Mais écoutez ce qu'il nous demande. Verset 13. Il dit quoi? Anasema nini? Reconnais seulement. Tambua tu. Ton iniquité. Uovu wako. Reconnais seulement ton péché. Na reconnais que tu as été infidèle. Tambua sema akukwe mwaminifu. À l'Éternel ton Dieu. Kwa wa milele Mungu wako. Vous voyez? Munoni. Reconnais seulement. Tambua tu. Que tu as été infidèle. Asema urukua vers l'Éternel. Alors revenez à lui. Na urudie kwake. Bien-aimés frères et sœurs. Lisons encore. Joël chapitre 2. Yona sura ya pili. Jésus a les bras ouverts. Yesu eko na mikono ya kufunga. Il n'a pas les bras fermés. Ana na mikono ya kufunga. Mais ses bras sont ouverts. Lakini mikono iko wazi. Pour te recevoir. Juu ya kukupokea. Et si tu as commis les péchés. Na kama ulitenda dhambi. Si tu es prêt à te repentir. Na kama upende kutubu. Lui il est aussi prêt de te pardonner. Ye kama uko tayari kutubu. Ye parce qu'il est ton Dieu. Kwa sababu ni Mungu mwema. Il est compatissant. Na eko wa rehema. Il est aussi miséricordieux. Na eko na buluma. Joël chapitre 2 verset 12. Maintenant encore dit l'Éternel. Sasa hivi tena wa milele anasema. Revenez à moi. Murudi kwangu. De tout votre cœur. Na moyo wenu wote. Avec des jeûnes. Na kufunga chakula. Avec des pleurs. Na makuria. Et de lamentation. Na makunungunika. Déchirez vos cœurs. Muvunje mamioyo yenu. Et non vos vêtements. Hapana mavazi yenu. Je veux voir un cœur brisé. Mupate kuwa na mioyo ya kuvunjika. Un cœur qui se repent. Moyo ya kutubu. Brisez vos et non vos vêtements. Na muvunje revenez à l'Éternel. Na murudie kwa wa milele. Votre Dieu. Mungu wenu. Car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère et riche à bonté. Alléluia. Alléluia. Il est riche à bonté. Il est en colère. Pendant les jours de grâce, il est miséricordieux. Il est riche à bonté. Mais bien mes frères et sœurs, chaque chose qui a un commencement, il y a aussi une fin. La grâce a commencé et un jour la grâce va terminer. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans de la grâce. Profitez-en, mon frère. Aujourd'hui, Jésus qui pardonne le péché. Ce matin, il est assis sur le trône de grâce et il fait l'intercession par son propre sang. Mais un jour, le trône de grâce va s'échanger au trône du jugement et il n'y aura plus de miséricorde. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés frères, rachetez le temps. Rachetez le temps. Venez en Jésus. Mets ta vie en ordre. Aujourd'hui, dans les jours sur lesquels nous vivons, efforcez-vous de trouver Dieu de tout votre cœur. Appelez-le, mon frère. Pendant que vous avez le temps de l'appeler. Pendant que vous avez une chance de vous repentir, pendant que la miséricorde de Dieu se décroche pour vous, mais le temps viendra où vous allez invoquer Dieu et il ne répondra, il ne vous exaucera pas. Lisez Proverbe chapitre 1er. Ces choses ne sont pas, nous ne faisons pas les aventures, mais nous vous disons la vérité parce que vous êtes. Vous êtes les enfants de Dieu. Et vous avez droit à comprendre ces choses. Ne vous laissez pas être embrouillé par le diable. Proverbe chapitre 1, verset 24. La parole de Dieu nous dit. Puisque j'appelle, comme je nous appelle, allez venir vers lui. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends mes mains et que personne n'y regarde, puisque vous rejetez tous mes conseils, toutes mes prédications, vous les rejetez et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Alors, écoutez. Écoutez, lorsque les dispensations vont changer, lorsque la grâce va terminer, alors Dieu dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs, je me moquerai quand la terre vous saisira. Quand la terre vous saisira, comme une tempête, et que les malheurs vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondra sur vous, alors à ce moment-là, quand tu seras dans la difficulté, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Alléluia. Amina. Vous voyez ici, il viendra un temps où vous allez prier Dieu, vous allez invoquer Dieu, et Dieu ne va pas vous répondre. Mais lorsque nous lisons à Esaïe, Esaïe 55, la Bible dit, nous pouvons lire même à commencer par le verset 6. La Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel? Qui aura pitié de lui? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amina. Vous voyez aujourd'hui, pendant que nous sommes encore au temps de la grâce, pendant que la grâce est là, la Bible dit chercher le Seigneur. Pendant qu'il se trouve, pendant que la miséricorde est là, pendant que vous avez une chance de vous repentir, pendant que le sang est là, dans la prospiratoire, pendant qu'il est encore assis sur son trône d'intercesseur, de médiateur, mets ta vie en ordre. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Amina. Mais le temps viendra, frère, où vous invoquerez Dieu comme nous venons de lire, et il ne répondra pas. Mais aujourd'hui, si vous lui invoquez, il est attentif. Alléluia. Amina. Bien-aimés frères, lisons encore le prophète. Nabi. Disons rapidement dans la prédication. Maubiri. Melchizedek, le grand prince et roi. Melchizedek, mufalme mkubwa. Paragraphe 5. Paragraphe 5. J'étais reconnaissant d'entendre ce matin. Nirikuya na shukrani kushikia. Frère Tommy témoigner. Ndugu Tommy yuko na shuhudia. Comme frère, je veux t'entendre témoigner. Paka sana ndugu yetu anaweza kutumia kutu. Que Dieu a les bras ouverts. Asema Mungu yuko na mikono ya wazi. Il est toujours disposé. Yuko wakati yote tayari. À vous recevoir. Ya kumipokea. Peu importe ce que vous avez fait, il a toujours les bras ouverts pour recevoir chaque âme qui se répand et qui veut venir à lui. Peu importe ce que vous avez fait, ou combien est grand votre péché. Alléluia. Amina. Il est toujours disposé à pardonner. Tu n'es pas le premier péché. Tu n'es pas le premier à commettre le péché et le faute. C'est Dad. Ne croyez pas que ceux qui iront au ciel, le frère et sœur qui iront au ciel n'avaient pas commis de fautes et de péchés. Ils en avaient commis beaucoup, plus que même toi. Mais lorsqu'ils commettaient les péchés, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, bien-aimés frères, c'était revenir à la voie de la repentance. Parce que la repentance, c'est la seule chose qui apaise la colère de Dieu. Si Dieu voit qu'il y a un cœur brisé, si Dieu voit que tu es touché dans ton cœur et que tu fais la décision de mettre ta vie en ordre, la grâce de Dieu viendra toujours sur toi. Et cette même grâce te cherche encore ce matin. Toi qui es rétrograde, toi qui sais tes lois de la parole de Dieu, reviens à Dieu. Toi, mon frère, toi frère, ma sœur, ne courez pas risque. Regardez les gens de Ninive. Dieu a des pires décisions. Dieu a détruit la vie de Ninive. Et il a envoyé son serviteur, Jonas, Jonas, dans la ville Mumuji de Ninive. Et Jonas, Jonas a prêché la parole de Dieu aux gens de Ninive. La ville de Ninive, c'était une grande ville où Jonas pouvait faire 3 jours de marche. Mais Jonas a fait qu'une journée. Et quelle était la prédication de Jonas? Jonas n'avait pas enseigné. Ici, nous avons des enseignants. Vous écoutez la vraie parole. Par les hommes de Dieu qui nous prêchent ici. Voyez, frère. Jonas, dans la ville de Ninive, il marchait et il criait. Encore 3 jours, et Ninive ne sera plus. Encore 40 jours, pardon. Encore 40 jours, et Ninive ne sera plus. Et les gens de Ninive ont entendu la parole de Dieu à travers la bouche du prophète Jonas. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a prêché la parole aux gens de son temps, mais il n'avait pas crié à lui. Et Jésus-Christ a dit, au jour du jugement, les hommes de Ninive se réveilleront contre cette génération et la condamneront. Pourquoi? Parce que les gens de Ninive, par la prédication de Jonas, ils se sont repentis. Mais voici maintenant. Il a ici plus que Jonas. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Jonas, le Dieu de Branham. Et lui-même, il est venu en personne. Il a porté la parole et les gens n'ont pas crié. Mais ni dans le Dieu de Jonas, un seul prédicateur, une seule prédication. Mais la grande vie de Ninive, ils se sont repentis. Ma soeur, mon frère, combien de prédications que tu as écoutées? Il te faut combien de prédications pour que tu changes? Les gens de Ninive, avec la prédication de Jonas, depuis les rois jusqu'aux petits enfants, tous ces ils ont porté les cendres. Bari voilà, bari ripaka na mazifu. Bari kala pa mama, bana voilà mazifu. Signe d'humilité, d'humilité. Ban alama ya kunyenyekeza. Mais toi. Lakini wewe. Olingine na ya kote ya yapo changer. Unapenda nani akuu ya kubiri. Branham sasa kwa njia ya kote ya. Sasa Branham afufuke njoo akua kufundisha. Même si Branham revenait à la vie. Ah, tu kama Branham anafufuka. Tu ne vas pas croire. Ah, utaamini. Parce que c'est que nous prêchons. C'est ce que pour la prêcher. C'est ce que Branham aussi a prêché. Et Branham na ya rubiri. Répète-toi ce matin. Avant qu'il ne te soit trop tard. Bele kwetu nyuma. Alléluia. Amina. Aujourd'hui. Léo. Même dans nos assemblées. Hata mu matikanisa hii. Nous avons des choses horribles, frère. Tuko na vitu vimo vya matata ndugu. Les gens viennent à l'église, mais vous les voyez vraiment que ce sont les gens qui ne sont même pas concernés par la parole qui s'écoute. Dans les grandes villes, même les frères, les sœurs, vous les voyez là avec son téléphone, il est en train de zapper pendant qu'il est à l'église. Et vous voyez une sœur, et il y a vraiment l'apparence d'une prostituée. Comme nous venons d'écouter l'exhortation ici. Bien aimés frères et sœurs, le message, c'est la pure parole de Dieu. Le message change. Transforme, frère. Si vous croyez vraiment ce message, dans ce message, il y a l'esprit de Dieu. Quand Jésus-Christ disait, les paroles sont esprit et vie. Et dans les paroles de Dieu, il y a la parole de la vie. Il y a l'esprit qui vivifie cette parole. Si vous le croyez dans ton cœur, le message va te transformer. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu, dans la prédication. David il voyait guerrier. Ah, c'est ma David de Mushuja en vita. Je vais lire page paragraphe 6. Paragraphe 6. J'ai vu. Miriona. C'est que l'évangile fait d'une personne. Qu'il est injili qu'on a fanya na muntu. Quand elle s'empare réellement d'elle. Wakati le injili na mukshika kabisa. J'ai vu. Miriona. C'est pas une histoire. Aina dis. Mais j'ai vu. Miriona. Une personne. Muntu. Qui est une prostituée. Urkwa qui était un bandit. Qui était un ivrogne. Arikuwa mulevi. Mais si quoi la bonne nouvelle. Lakini akiamini. La bonne nouvelle lui transforme. Abari njeme na mugeuza. Si s'empare réellement d'elle. Kama ina mukshika bia kweli. Cela change votre apparence. Inabadilisha hata hali yako kuonekana. Alléluia. Amen. Cela change même votre apparence. Inabadilisha hata namna kona yako ya kuonekana. Apparence extérieure. Ile awali yako ya kuonekana hivi. Nous sommes pas des pentecôtistes. Aina hata tuna mapenzi. Oje ne regarde pas l'extérieur. Mungu achangalia nje. Je regarde l'intérieur. Mungu anaangalia ka ndani. Mais ce qui est à l'extérieur. Ile iko nje. Ça exprime ce qui est à l'intérieur. Ni unaonesha kile kiko ndani. Si ton cœur est sauvé, kama si la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas le manifester. Oui, frère. Ça change même votre apparence. Ça change votre comportement. Oui, la parole de Dieu change même votre comportement. Dans la prédication, David y va guérir. Paragraphe 6, la dernière partie. L'évangile, la bonne nouvelle, change même votre comportement. Vos habitudes, que vous avez hérité de bile uririti kubazazi yako kama unakuya kwa Kristo. Biblia inasema kama mtu yako ndani ya Kristo anakuya kiume kia sasa. Bintu vya zamani vinapita, sasa angalia bintu vyote vinakuya vya sasa. Oh frère, il faut me comprendre. Oh ndugu, inafai kunielewa. Njoo namna yangu bongo. Hautenda kumbingu na ile faso yako. La vie de Christ. Unapaswa kuwa na maisha ya Kristo. Ile evangile. Huko injili. Nous change. Ndio hiyo inatubadilisha. Ça change votre façon de vous habiller. Hiyo inabadilisha namna yako ya kuvala. Sasa vous croyez ma sœur? Eti mnaamini dada? Que la parole de Dieu. Ya kusema neno la Mungu. Vous change. Iko na badilisha. Même votre façon de vous habiller. Acha namna hiyo ya kuvaa. Moi je vis de sœur. Mi leo na dada. Vraiment frère, depuis la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Nous vous aimons beaucoup mes nos sœurs. Tunemipenda sana badada. Nous aimons nos sœurs. Tunapenda badada. Parce que vous êtes en danger. Sababu mko mwata. Si vous vous habillez contrairement à la parole de kama Dieu. Kama mnavaa la kinyume na neno. Mutenda kumwadeza. Jésus-Christ a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et frère Bana nous explique, il dit qu'au jour du jugement, il y aura beaucoup de sœurs qui seront jugées à cause de leur mauvais habillement. Ils seront condamnés de péché d'adicteur. Non pas qu'ils avaient commis l'adicteur en acte. Mais quand vous vous habillez mal, les païens vous convoient dans leur cœur. Ils commettent l'adicteur avec vous. Alors tu vas dire que non, Seigneur, moi depuis que je me suis marié, d'abord mon mari m'a pris vierge. Je n'ai jamais connu d'autres hommes. J'étais fidèle. Nilikuwa mwaminifu kwa bwana yangu. Il te dira oui bien sûr. Atasikwane sema hey, mjia kwe. Regardez comment tu t'habilles. Sasa angalia vile Lorenzo kwa lako. Et tout le péché là de Cambodge. Aba tenda zambi bote ba mkambo. Tu le sais le saint vide. Uriaza kuachaka mamashiba wazi. Tu viens de te laver. Unatokea mkuna. Tu portes le singlet là. Unavala kasingle. Vous exposez les seins. Sasa unaacha mamashiba wazi. Et vous savez que autour de toi il y a des pays. Mwenye kuyua sema kukuba pagano ba mingi kandokando yako ba tenda zambi. Ma soeur, et tu vas répondre des péchés d'addicteur. C'est pour cela la parole de Dieu vous montre comment vous devez vous habiller comme des filles de Dieu. Bozi panjo ton abino. Mufuchike ma Mungu yenu. Même tango zo komba chibalai. Hata wakati kuna fiaki. Soko mwani ke bode za nezali. Kama unona sema. Hapa pa nshimbo kwa mpane. Bamba. Parce que ya le paye. Kwa sababu kuwa pagano. Beko na pitia pana. Bamba na mabele na yote. Basi kuone majiba pana. Oh pourquoi faire zo bandenge wana. Oh ndugu njani nuna semea vili. Nous devons vous dire la vérité. Tunapasa kumiambia bia kweri. Parce que l'enfer. Kwa sababu ya desi. Ce n'est pas une histoire. Aina adisi. C'est pour cela, frère. Je commande un duc. Surveillez ta femme. Soyez un homme de Dieu. Un fils de Dieu. Laissez pas ta femme se comporter de comportement. Tu veux même des frères. Il est assis au salon avec les cinglés, avec la culotte. Frère, tu dois être un exemplaire. Oui, on a pas chacun ni mufano. Osa pasteur yanda konayo. Wewe ndio pastori wa nyumba yako. Ne laissez pas les choses bizarres dans ta maison. Avana kwa cha bintu bya ovyo munyumba yako. Ta maison doit être sanctifiée. Nyumba yako inapaswa kuwa safi. Regardez sanctifié Corneille. Angalia Corneille. Lisez Acte chapitre 10. Msomeni matendo 10. La Bible dit Corneille. Biblia inasema Corneille. Était un homme. Alikuwa mtu. Qui craignait Dieu. Alikuwa anaogopa Mungu. Lui et toute sa famille. Yeye na jamaa yake mzima. Il priait Dieu régulièrement. Alianza kuomba Mungu kwa kawaida wakati yote. Est-ce que t'as dans ta maison la crainte de Dieu? Ça, ça, je vais continuer. Mais t'as indélé. J'ai donné mon fils qui a. On n'est pas tiré que 10 minutes. Pour achever. Tout ça change votre façon de vivre. Votre façon de vous habiller. Ça change votre façon de marcher. Ah! Oh. Ce message est profond. Ujumbe ya oui, ujumbe. Même la façon de marcher atana dans la parole de Dieu, une fille de Dieu qui est délivrée, lorsqu'il passe devant les hommes, wakati il ne marche pas, il ne marche pas, il ne marche pas. Vous allez attirer les hommes. Vous verrez qu'il porte ce qu'on appelle, les hauts talons. Lorsqu'il porte les hauts talons, comme un homme qui a haut talon, comme un boy, comme un cheval, Mukongo na kwa kifu. Foto ya mati, Mukongo na kwa kifu. Anakuia hivi sasa. Ndio anaanza kutembea yeye yule yuko na ribonje, yuko na ribonje, yuko na. Tout ça c'est pour attirer les hommes. Juu yote ni kwa ajili ya kukokota bali. Même la science a dit. Hata yenye elimu inasema. Que les hauts talons. Anasema ma haut talon. Les hommes pesa malaria belé. Inaletaka malaria mingi. Même la mosa na zemi. Si elle porte des hauts talons, ça peut provoquer l'avortement. Ils ont pensé à être malades. Parce que tant qu'on a aboyé, ils ont pensé à nous permettre des circulations sanguines. Ils ont pensé à Missouri. Maquillé, ils ont circulé bien. Ils ont pensé à Missouri. Ils ont pensé à Missouri. Ils ont pensé à Missouri. Ouais, frère, ne serre pas debout. En tout cas, Shetani mwenye kushimama, yeye ule kwa natembe. Toi une fille de Dieu, n'imitez pas ces choses. Hapana kufuatilisha bile bintu. Zala musika biloko la masio. Baiki ambari na bile bintu mimi ndio. Une fille de Dieu, lorsqu'il passe, wakati anapita kumbele ya bantu. Tauso kuleba kutute. Au pengine hautashiki, hautayua hata kuyu. Que moi la moi ça le qui. Anasema bintu mwana. Anza kwa simplicité. Na unyenyekevu wote. Alleluia. Amen. C'est ça une fille de Dieu délivrée. Jo mtoto wa Mungu mwenye kukombolewa. Eh frère bana me dit. Na ndugu bana ma. Ça change votre façon de marcher. Inabadilisha namna yako kutembea. Eh ça vous transforme complètement. Na inakugeuza na utele wote. Oui. Ndio. Dans la parole de Dieu. Ndani ya neno la Mungu. Dans le message. Ndani ya ujumbe. Dans la fin. Mu wakati ya Mungu. Il y a la puissance de transformation. Ya kugeuza. Oui frère. Ndio ndugu. Les hommes que vous voyez ici, même les seuls que vous voyez ici, ils ne sont pas comme ils étaient. Qu'est-ce qui les a changés? C'est la parole de Dieu. Nous avons des filles de Dieu ici. Nous avons aussi des fils de Dieu. Mais mon frère, si tu es tombé dans les mal, dès que tu es dans la foi de Dieu, ne restez pas dans les péchés. Répands-toi. Et Jésus-Christ va t'accueillir. Jésus a les bras ouverts. La croix de Golgotha, il était crucifié comme ça, les bras ouverts, pour dire au monde que vous êtes tous les bienvenus. Je suis disposé, venez, je pardonnerai vos péchés, j'ai donné ma vie pour vous. Et il était suspendu entre le ciel et la terre, à cause de toi et à cause de moi. Et encore ce soir, il nous appelle, et il est venu vers lui, il est compatissable. Miséricordieux. Mon frère et ma soeur, si tu es encore péché, je vous annonce une bonne nouvelle. Que Jésus-Christ aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Pourquoi il est l'amour avec les péchés? Parce qu'il veut sauver les péchés. Et il est venu pour sauver les péchés. Alléluia. Bien aimé. Si tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu ton baptême, ce matin tu peux prendre la décision. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience des hommes envers Dieu. Et c'est un signe que, après avoir crié, Nasema kisha à la bonne nouvelle, tu t'engages pour suivre Jésus-Christ et tu Yesu. Dois te faire baptiser. Na, unapasha mais avant le baptême, mais lakini tu dois voilà, écouter la bonne nouvelle, unapasha kuamini habari njema, la bonne nouvelle, unapasha kuamini confesser tes péchés, se repentir de tes péchés, et yako. Après, na, on t'amène dans les eaux du baptême, kuleta ya être baptisé, afin que tes péchés, le péché que vous avez commis, dans le temps d'ignorance, Dieu va le pardonner. Mungu apate kui c'est pour cela qu'il est écrit. Dieu ne tient pas compte Mungu de temps d'ignorance. C'est pour cela qu'il annonce à tous les hommes, à tous liés, qui vient se repentir. Alléluia. Amen. Alors, un jour, il dit qu'Éthiopien, lisait le brochure du prophète Esaïe, il ne comprenait pas. Et Philippe lui a posé la question. Quand tu as dit ce que tu lus, et il dit que tes sincères, il dit comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide, et Philippe commence à lui expliquer les Écritures. Oh, moi je peux rester à la maison, je peux lire les brochures, et je vais toujours mener bonne vie chrétienne. Non, la foi ne vient pas à ça. La foi vient de ce qu'on attend. Il faut que quelqu'un, que Dieu a envoyé, que Dieu a ordonné, pour prêcher la parole, puisse commencer à t'expliquer les Écritures. Et Philippe commence à l'expliquer les Écritures. Pendant qu'il marchait, il a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici de l'eau. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur. Et Philippe dit, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui devait venir. Et la Bible dit, tous les deux, ils arrêtaient la char. Philippe, Philippe et l'unique, tous deux descendis dans l'eau. Et Philippe, Philippe baptisa l'unique. Vous voyez, frère, pourquoi Philippe était descendu à l'eau ainsi qu'unique? C'est parce que c'est lui qui prêche la parole na et c'est lui qui croit la parole. Na il doit tous les deux être dans la parole. Bana passa kwa il doit être plongé dans la parole. Bana passa vivre la parole. Et Philippe a baptisé l'unique. Na Philippe a baptisé. Alors ma soeur, sasa, mon frère, ce matin, yes, tu as écouté la parole de Dieu. Pose-toi la question. Comme unique, sasa, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et nous te dirons que cela est possible si tu crois de tout ton cœur. Et ce matin, Jésus-Christ a les bras ouverts. Il est disposé pour te recevoir et pour t'accueillir, pour pardonner tout nombreuses et prêchées. Il t'aime encore jusqu'à ce matin. Même si vous avez fait les avortements, si mamima, tu es sincère, tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Alléluia. Amen. Alors pour vous, mes frères et sœurs, qui attendent l'enlèvement du Saint Jésus-Christ, je vous dis quelque chose, je vais m'arrêter. Est-ce que vous êtes ici? Jésus a les bras ouverts. Peu importe ce que vous avez fait, ou combien est grand ton péché, si tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu et que tu veux venir à lui, il va toujours te recevoir. Il ne va pas te repousser. Je vais lire quelque chose dans la prédication. Hâte-toi de te sauver là. Et c'est pour là que je vais m'arrêter. Paragraphe 20. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Eh bien, sasa, je crois que minamini, si y a jamais un jour asema kama kuko shiku, où les hommes mule bantu, et les femmes na banamuki, devraient ouvrir les yeux baripasa kufungula macho yao, et examiner la parole de Dieu na kuchunguza neno la Mungu, c'est bien aujourd'hui. Ni leo, leo. C'est bien aujourd'hui. Ni leo. C'est le temps où nous devons examiner la parole de Dieu. Voir comment le temps est vraiment proche, frère. Frère Branham, Dieu lui avait montré les choses par les visions. Mais parmi les prophéties, ou parmi les visions que Frère Branham avait eues, nous avons vu les accomplissements. Et même lorsqu'il parlait de la... Lorsque la Russie va bombarder les États-Unis, à cet endroit-là, il n'avait même pas la bombe qui va détruire les États-Unis. Mais aujourd'hui, nous le voyons, frère. Nous voyons ça à la télévision. Et ça annonce quelque chose. Avant que ces choses puissent s'accomplir, l'église sera déjà enlevée. Et combien de temps qui nous reste encore? Sasa, ni wakati ngapi ne tubakiria? Si toi tu vis dans la négligence, kama wewe unaishi mkunsula, combien de temps? Ni wakati ngapi? Ouvre tes yeux spirituels. Fungula macho yako et examine la parole de Dieu. Na, nous voyons les prophéties qui s'accomplissent. L'une après l'autre. Annonçant que la venue du Seigneur est très proche. Karibu, karibu, karibu. Réveillez-vous l'église. Mulamkeni kanisa. Réveillez-vous mes sœurs. Mulamkeni badada. Sortez de la distraction. Consacrez-vous à Dieu. Donnez votre vie au Seigneur. Il devrait ouvrir les yeux maintenant. Examinez la parole de Dieu. C'est bien aujourd'hui. C'est dans ces jours. Car il se peut qu'il n'y a pas de lendemain. Et si jamais il y a un jour où l'église devrait revêtir son ami, ça devrait être aujourd'hui. Ne repoussez pas cela à un autre jour. S'il y a entre vous et Dieu quelque chose qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, vous ferez mieux de mettre cette chose en ordre maintenant même. Au lieu de manquer l'enlèvement, ça sera mieux de mettre ce problème là en ordre. Si il y a un péché qui pourrait t'empêcher de ne pas être enlevé, on faisait ce péché. C'est mieux d'être enlevé ni et que de manquer l'enlèvement à cause de ton péché pendant que Jésus-Christ est en train de nous appeler pour pardonner nos péchés. Alléluia. Écoutez, vous ferez mieux de mettre cela en ordre maintenant même. Ne quittez pas votre siège. Nous vivons dans l'attente de l'avenir imminente de notre Seigneur béni. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Ce n'est pas un homme qui vous a parlé, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans les derniers jours, personne n'enseignera un autre. Mais tous seront saisis du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Si tu es enfant de Dieu, venez maintenant ma soeur. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, mon frère, venez ici, venez te faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, tu peux t'approcher. Venez, venez ma soeur. Si y a un frère ou une soeur qui veut mettre sa vie en ordre, venez ici après la prédication. On va vous amener dans les eaux du baptême. Que le Seigneur vous bénisse.